Bonjour et bienvenue dans ce nouveau questionnaire qui est le tout dernier que je fais et qui est dédié à la France et plus spécialement à la Normandie puisqu'on est en Normandie. Donc commençons directement avec la question 1. Donc lequel de ces chanteurs français était membre de Mozart l'Opéra Rock? Donc réponse A, Florent Motte. Réponse B, Emmanuel Moir. Ou réponse C, David Gitlis. Question 2. Quel Normand a conquis l'Angleterre? Réponse A, Rollo. Réponse B, Guillaume le Conquérant. Ou réponse C, Ragnar Lodbrok. Question 3. Quel super vilain de Marvel et un grand ennemi de Captain America est français? Réponse A, Batroc. Réponse B, Avalanche. Ou réponse C, Pyro. Question 4. Quel animal trouve-t-on sur le drapeau normand? Réponse A, un lion. Réponse B, un guépard. Ou réponse C, un léopard. Question 5. Laquelle de ces actrices joue la voix d'Elsa de la Reine des Neiges en français? Réponse A, Chaim. Réponse B, Anaïs Delva. Ou réponse C, Tal. Question 6. Combien de capitales comporte la Normandie? Réponse A, une seule. Réponse B, 3. Ou réponse C, 5. Question 7. Quel membre de la famille Astier a joué dans Le Visiteur du Futur? Réponse A, Alexandre Astier. Réponse B, Simon Astier. Ou réponse C, Lionel Astier. Question 8. Lequel de ces humoristes est normand? Réponse A, Franck Dubosc. Réponse B, Vérino. Ou réponse C, Jean-Marie Bigard. Question 9. Laquelle de ces jeunes actrices est française? Réponse A, Elle Fanning. Réponse B, Danielle Rose Russell. Ou réponse C, Lily Rose Depp. Question 10. Combien de langues parle-t-on en Normandie? Réponse A, 2. Réponse B, 5. Ou réponse C, 7. Question 11. Quel film de Franck Dubosc a inspiré une célèbre série télé française? Réponse A, 10%. Réponse B, Le Bureau des légendes. Ou réponse C, Camping Paradis. Question 12. Laquelle de ces marques est normande? Réponse A, Opel. Réponse B, Eula. Ou réponse C, Danette. Question 13. Quelle actrice qui est apparue dans 10% a également joué un rôle important dans Valérian? Réponse A, Cara Delevingne. Réponse B, Pauline O'Haraud. Ou réponse C, Emmeline Vallade. Question 14. Quel fruit est l'emblème de la Normandie? Réponse A, la poire. Réponse B, la pomme. Ou réponse C, la fraise. Question 15. Lequel de ces duos de mannequins français fait partie des anges de Victoria's Secret? Réponse A, Tylan Blondeau et Camille Cerf. Réponse B, Marie-Ange Casta et Elisa Sednaoui. Ou la réponse C, Sigrid Agren et Constance Jablonski. Question 16. Quel grand auteur est normand? Réponse A, Victor Hugo. Réponse B, Flaubert. Ou réponse C, Musset. Question 17. Quelle héroïne Marvel est française parmi les suivantes? Réponse A, Guillotine. Réponse B, Squirrel Girl. Réponse C, Pixie. Question 18. Lequel de ces animateurs est normand? Réponse A, Christophe de Chavagne. Réponse B, Christophe Beaugrand. Ou réponse C, Vincent Lagaffe. Question 19. Quel mannequin français est très connu dans le monde? Réponse A, Constance Jablonski, qui fait partie de Victoria's Secret. Réponse B, Sigrid Agren, qui en fait partie également, comme on l'a vu précédemment. Ou la réponse C, Camille Rove. Question 20. Quel dirigeant normand a unifié le royaume? Réponse A, Guillaume Ier. Réponse B, son père Rollo. Ou réponse C, son descendant, Guillaume le Conquérant.